Que tu me traites de fainéant, tu sais, me laisse indifférent. Mon travail n'est pas monnayable. J'ai même un peu pitié de toi, qui n'envisage même pas de quoi en fait je suis capable. Des heures passées avec mon stylo, mon papier, mon magnéto et ma guitare. Je sais que ça ne compte pas, au respect l'auteur n'a pas droit. C'est un travail méritoire. Je pourrais être très vexant et t'écraser comme en marchant, mais je suis un être sensible. Et la moindre odeur d'excrément me glace le cœur et le sang si je te prendrais pour cible. Des heures passées à mettre au point mon dernier nez. Alors qu'en dis-tu, cher profane? Je ne vis pas comme tu vois, pour les mêmes raisons que toi. Je suis de ceux que tu condamnes. Si jamais tu as un moment, ou si tu veux perdre ton temps en moi un semblant de visite, là, je te ferai écouter le fruit de mon travail après. Après, bien sûr, nous serons quittes. Mais je t'en prie, dorénavant, ne te montre plus médisant. Y'a que les cons qui extrapolent. Sauras-tu un jour, en bossant, avec amour, en faire autant que moi quand j'écris mes paroles? Alors enfin comprendras-tu qu'une vocation vaut bien plus qu'un travail de cerf à la chaîne. Que si mon labeur est gratuit, il sort tout droit de mon esprit, c'est une création très saine. Tandis que toi, qu'as-tu créé de ton cerveau atrophié? Pauvre taré, pauvre imbécile. Tu ferais soi dit en passant, au lieu de critiquer les gens, mieux de gérer ta vie débile. Mieux de gérer ta vie débile.